au bord les glaces, Renoir, tu crois que je vais péter à Alpha? J'ai la coca sosa, oh la classe à Alpatch. 4 pattes, je connais Af, même complètement rabat. S'il y a des billards, j'suis partout, c'est que j'suis dans la boîte. Si ça fait mal, que tu cries, tu jouis, c'est que j'suis dans ta chatte. Les MC font les cardines, à Carrefour attaque. Avec 9 de I, j'ai saigné l'asphalte. Partial, avec des salades, je ne mange que de la barbac. Nique sa mère, villa sur la mer, j'suis à la barbac. Mitraillette, semi-auto, à la baraque. Passe mon jambe, frappe ton culé, à la chamac. Tu vois tes veines, tu vois ta gauche, tu vois ta droite. Moi j'encule l'étage, j'ai le cul à l'air, sur un hamac. Au comico, on ferme notre gueule, car on sait. Balance nos fils de pute, on sort le 47A. Viens dans mon territoire, comment faire de l'argent passer, pouvoir faire autrement. Viens dans mon territoire, comment faire de l'argent passer, pouvoir faire autrement. Moi j'ai pas la guerre pour habiter de la paix. Je ne manque jamais à la pièce quand c'est le jour de la fête. Moi j'ai pas la guerre pour habiter de la paix. Je ne manque jamais à la pièce quand c'est le jour de la fête. Pas de aisé, grandi au zoo. Des négros fauchés, essaient de me baiser, veulent ma pozo. J'suis un film d'horreur, t'es qu'un afro jojo. Que des ceintures noires, plaqué talons dans mon dojo. J'suis dans les fourneaux, dans les journaux. Sabre laser, Skywalker et dans mon fourreau. Grand comme un avatar, négro j'suis imbattable. Que des bonbons dans mon cartable, à des placards à ma table. J'fais que des sons incroyables, des trucs de malade. Cette année j'vais tout baiser sur la charte à Nayama. Les OG nous connaissent, savent qu'on tient nos promesses. Demain si j'ai pas toi, j'serai pas un chien, j'serai au Hebs. J'ai PERC, saigné le RERC. Dieu merci la street m'a remercié. Si tu me vois enculer ta dinde, ne crois pas que je fête Noël. Dangereux banlieusard, ici c'est Paris, fuck l'OM. J'ai la somme qu'il lui faut, n'est pas le seum. Et ne tu veux me faire la peau, oh t'es pas le seul. Nouvelle Jordan au pied, j'aimerais toucher le ciel. Pitbull en rue, à l'affût d'un lâcher de chienne. J'fais que du lourd, meilleur album, j'sais pas c'est lequel. Ma vie manquait de goût, la street m'a passé le sel. Crème de la crème au bled, on crève de la grippe. J'suis là où règne, car saigne l'Afrique. Oubliez, j'essaye, trouve-moi aux Seychelles. J'fais rien, j'm'en bats les couilles, une colombienne fait ma vaisselle. J'suis au-dessus de la normale, Fefe Enzo. J'arrive dans le game comme une tornade. Ils n'oublieront pas, ils se souviendront de nous. Je vais régner assis, négro, je vais mourir debout. Sur le podium, il n'y a que nous. Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux. Je ne manque jamais à l'appel quand c'est le jour de la paix.